Merci Maëlys et à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un second épisode consacré au prix Nobel de littérature 1988, Naguib Mahfouz, dans une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin et Laurane Travaglichanal, avec à la technique Emmanuel Morse-Duncan, à la réalisation Rafik Zénine. Né en 1911 dans une famille de la bourgeoisie kérote, Naguib Mahfouz va commencer par publier quasiment à compte d'auteur des premiers romans historiques situés au temps de l'Égypte des pharaons. Mais cette première période va laisser la place à une série de romans dans une veine réaliste avec laquelle il va trouver le succès. Mort en 2006 au Caire, il n'aura quitté son pays que trois fois, sa ville seulement pour les vacances et son quartier le moins possible, comme nous l'a raconté Farouk Mardambé au cours de notre émission d'hier et que vous pouvez bien entendu retrouver en podcast. Alors cette semaine, la compagnie des auteurs était séparée en deux puisque nous l'avons commencé cette semaine avec les contes des mille et une nuits. Lundi, le professeur Aboubakr Shraibi nous a parlé de ce livre infini qui continue de véhiculer une image fantasmée de l'Orient. Il a raconté la construction fascinante de ce récit dont le suspense est non seulement le moteur mais également l'un des sujets. Enfin mardi, c'est le grand arabisant André Miquel qui était dans ce studio pour aller plus loin dans l'évocation des mille et une nuits. Nous avons parlé notamment de l'aspect subversif de ce texte. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, après la chronique d'Aliette Armel, nous serons rejoints par Rania Samara, professeure de littérature arabe et de traduction au département Orient Monde Arabe à la Sorbonne. Elle a traduit en 2006 le roman de Mahfouz intitulé « Son Excellence » pour les éditions Actes Sud. Et puis en première partie, nous sommes en compagnie de Leda Mansour qui a soutenu une thèse il y a quelques années sur le cycle de romans de Mahfouz, connu sous le nom de « Trilogie du Caire » dont on écoute pour commencer un extrait. Dans le premier tiers de la journée, l'ombre enveloppe l'impasse où règne une atmosphère humide et froide. Le soleil n'y pénètre qu'à son zénith et ne franchit qu'à midi le barrage qui la cerne. Pourtant, dès la première heure, une animation matinale s'éveille dans tous les coins. Le premier levé, Sunkor, le garçon de café, prépare les sièges, allume le fourneau. Puis on voit arriver les employés du bazar, par couple ou séparément. Ensuite apparaît Gadda, portant la pâte pour le pain. Et il n'est pas jusqu'au père Kamil qui ne se remue à cette heure, ouvrant sa boutique et prenant un premier déjeuner. Le père Kamil et Abbas al-Helo avaient coutume de prendre leur petit déjeuner ensemble. Et sur un plateau posé entre deux se trouvait le plat de fèves bouillies, d'oignons crus et de concombres vinaigre, mais ils mangeaient tous deux de façon fort différente. Car tandis qu'al-Helo avalait son pain en quelques instants, le père Kamil, avec lenteur, mâchait patiemment chaque bouchée, au point d'attendre presque qu'elle fonde dans sa bouche. Et le vieux disait souvent, pour que la nourriture profite, il faut la digérer d'abord dans la bouche. Aussi, al-Helou avait-il déjà fini de manger que l'autre en était encore à masticoter et à grignoter ses oignons. Et comme le père Kamil craignait qu'al-Helou n'entame sa part, il divisait les fèves en deux portions et veillait attentivement à ce que son compagnon ne dépasse pas la mesure. Une lecture par Yves Pignot. Bonjour Leda Mansour. Bonjour. Alors on vient de l'entendre dans cet extrait, Naguib Mahfouz est un écrivain qui regarde les gens vivre, il les regarde même dans leur façon de manger, au petit déjeuner, ceux qui mangent plus vite, ceux qui mangent moins vite. C'est là l'atmosphère, finalement, le ton de Naguib Mahfouz. Oui, c'est l'atmosphère de Naguib Mahfouz. C'est la conception de la vie et peut-être aussi du temps de Naguib Mahfouz. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la trilogie du Caire de Naguib Mahfouz. C'est la vie, le vécu quotidien qui l'emporte toujours. C'est le présent. On en parlera peut-être de cette conception temporelle, mais c'est le regard toujours d'un de ces personnages qui va regarder vers l'extérieur. D'ailleurs, on retrouve ça dans la trilogie avec le personnage de Kamal, qui à un moment donné, au lieu d'écrire sur son cahier de souvenirs lors de son anniversaire, c'est-à-dire retourner au passé, soudain, il va regarder par la fenêtre, il va regarder les coupoles, les minarets, les rues, les gens qui se cachent parce qu'il pleuvait. Donc c'est toujours le regard vers le présent. C'est un contemplatif aussi, c'est un méditatif. Peut-être, oui, pour pouvoir écrire des romans, oui, mais peut-être on retrouve le contemplatif chez le personnage de Kamal, le fils, en tout cas, un des fils de Ahmed Abdel Gawad dans la trilogie du Caire, qui contemple de façon philosophique. Mais c'est plus compliqué que cela, c'est vraiment quelqu'un qui décrit avec beaucoup d'objectivité, sans juger. C'est important, sans juger ses personnages. Ils se jugent entre eux, mais lui, il ne juge pas. On va parler évidemment de tout ça. Il faut présenter un petit peu ce que c'est que cette trilogie Kairot. C'est sans doute l'œuvre la plus connue de Naguib Mahfouz. Trois romans, Impasse des deux palais, Le palais des désirs et Le jardin du passé. Trois titres qui sont des noms de lieux d'un quartier, le quartier d'enfance de Naguib Mahfouz. Alors pour moi, la trilogie du Caire, qui à la base, d'après l'auteur Gamal El-Retan, était un seul texte, et c'est l'éditeur qui l'a transformé en trilogie. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop gros. Oui, ouais. Et d'ailleurs, elle a failli se perdre, hein, parce qu'on a refusé d'abord, il n'y avait pas d'éditeur, d'après Gamal El-Retan. Alors pour moi, le monde, l'univers qu'a décrit Mahfouz dans la trilogie, commence par la question qui prend la décision. C'est donc l'histoire d'un père, enfin d'abord d'un père, Ahmed Abdel Gawad, qui prend toutes les décisions par rapport à sa famille. C'est une espèce de despote domestique. On dit de lui, oui, c'est un despote domestique qui décide tout. Le mariage de ses enfants, si la petite va se marier avant la grande, alors que la tradition dit que non, c'est la grande qui doit d'abord se marier avant la petite. Le divorce de son fils Yassine, la garde des enfants, le deuxième remariage de Yassine. Cela dit, quand Yassine, à un moment donné, a décidé de se marier avec une ancienne luthiste, donc c'est quelque chose d'interdit, ça n'a pas déplu au père, mais quand même, ce qui est mis en évidence, c'est toujours le recours nécessaire à la décision du père et à son accord. Kamal, pareil, il fallait que le père intervienne dans ses études, dans le choix de ses études, quoique Kamal n'a pas choisi ce que son père aimerait. Mais quand même, il y a toujours ce recours nécessaire à la décision au père. Donc il y a un sujet décideur qui décide de la vie de tout le monde, même de sa femme. Il lui a quand même demandé de quitter la maison quand elle l'a désobéi. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait passionnant et intrigant dans ce personnage d'Abdel Gawad, c'est que, et on le voit directement au début de la trilogie, vu de l'intérieur de la maison, c'est en effet un despote. Il donne au lecteur une image de lui-même assez détestable. Et quand on le voit à l'extérieur, c'est-à-dire avec ses amis dans les cafés, là, on découvre quelqu'un qui aime la vie, qui fait rire, qui a une forme de générosité. En effet, on a beaucoup souligné la dualité de ce personnage. Il mène une double vie. Mais peut-être pour comprendre cette dualité ou ce personnage, il faudrait voir aussi du côté de ses enfants, comment ils le voient. Parce qu'on a souvent aussi souligné que cette autorité du père et cette dualité, elle est maintenue par l'obéissance de ses enfants. Or, ce n'est pas ce que j'ai trouvé dans la trilogie. C'est-à-dire que ses enfants, à un moment donné, ils découvrent cette vie nocturne. Yassine, il est comme lui. Il fréquente pareil le monde des almées, des danseuses et des chanteuses. Et il le découvre, mais il ne dit rien. Il va le dire à ses autres frères. Ses autres frères, ils le savent. Fahmi, l'enfant qui veut étudier, qui veut devenir avocat en tout cas, il dit dans un monologue à quel point il considère son père mener une vie de simulation et d'hypocrisie même. Il le juge même. Et Kamal, pareil, il voudrait se rebeller contre son père. Donc en fait, ils ne lui obéissent pas tellement vraiment par, par inconscience, c'est peut-être par connaissance de cause. Et à un moment donné, ils lui disent, c'est par respect, parce qu'il l'aime, hein, après tout. Donc, quelque part, il a une dualité, mais elle est quand même un peu déclarée, découverte. Elle n'est pas complètement cachée. Il y a quelque chose quand même chez Ahmed Abdelgawad, mais qui n'est pas très fort, hein, qui est parfois très rarement souligné, c'est que auprès de ses amis, Mohamed Afat et les autres, il est comme un peu entraîné. C'est-à-dire que le despote tyrannique, le jour où son ami Mohamed Afat lui dit « Eh bien non, moi je vais divorcer ma fille de ton fils qui l'a trompé », il ne dit rien, Ahmed Abdelgawad. Au contraire. Et il profite presque des malheurs, des petits malheurs de ses enfants pour les moquer devant ses amis et même en profiter pour se mettre en valeur, en fait. Mm-hmm. Donc il a quand même besoin aussi de se mettre en valeur devant ses amis. Est-ce que vous diriez que c'est un roman sociétal ? Parce que on comprend que là, alors ça se passe au début du XXe siècle, hein, donc on n'est pas dans la société évidemment d'aujourd'hui, mais ça se passe quand même au sein d'une famille bourgeoise, de la bourgeoisie du Caire, et ce sont les rapports en train de changer d'ailleurs au fur et à mesure de la trilogie que vous venez de décrire entre les enfants, le père et la mère soumise à son mari. Je ne dirais peut-être pas c'est un roman sociétal, mais je répéterai les mots de Mahfouz lui-même en parlant de son œuvre. C'est une écriture qui essaye de montrer le chemin pour plus de liberté. De liberté de qui ? Ah bien, de tout le monde, surtout dans la trilogie. Chacun sa part, à chacun il a un caractère, il a une singularité, il a un chemin en tout cas, il le prend, il le prend pas, il se libère, il ne se libère pas et souvent il ne se libère pas. Ce ne sont pas quand même des personnages libres, mais ils sont dans le processus de liberté, plutôt que seulement raconter l'histoire d'une société, Kairot, voilà, donc je pense que c'est plus une question de liberté. Donc c'est quand même la grande question de la du combat entre la tradition très pesante et puis cette modernité qui arrive en Égypte comme partout ailleurs et à laquelle eh ben il faut s'adapter et les générations sont obligées de se confronter d'une certaine manière pour s'adapter à cette modernité-là. Ça parle de ça aussi ? Ça peut parler de cela, d'ailleurs. C'est un peu la question de cette confrontation modernité-tradition. C'est la question de beaucoup, beaucoup d'écrivains arabes et de beaucoup de penseurs dans le monde arabe. Ils posent souvent cette question que vous posez. Cela dit, moi, je trouve la singularité de Mahfouz, c'est plutôt de répondre par dire qu'il y a justement une singularité dans ces vieux quartiers, dans ces impasses, dans ces passages, chez ces personnages-là, où la question est plutôt, pas forcément individuelle seulement, mais qui dépasse cette confrontation de modernité, parce que, comme il le dit lui-même, on trouve un Othello dans un vieux quartier, comme on peut trouver, enfin, on peut trouver tout dans un vieux quartier, comme on peut trouver dans une société. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de si dual, en tout cas. Il n'y a pas une opposition modernité. Il faut qu'on s'adapte. D'ailleurs, il est loin de représenter des personnages qui s'adaptent. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Naguib Mahfouz avec vous, Leda Mansour. Donc, pour parler un petit peu de l'histoire de la publication de ce livre, dire que il a paru, enfin, les trois volumes entre 1956 et 1957, mais la rédaction était achevée en 1952. Vous disiez tout à l'heure qu'en effet, Naguib Mahfouz a eu un petit peu de difficulté au départ à faire publier ce livre. Et pourtant, c'est son grand œuvre. C'est vraiment un tournant dans sa carrière littéraire. Oui, Oui, et ce n'est pas parce que souvent on dit que c'est réaliste ou sociétal ou seulement une confrontation entre contexte politique et contexte familial d'une petite famille. Peut-être, mais à mon avis, ça dépasse tout cela. C'est vraiment une question de style aussi. C'est une question de toutes ces contradictions qu'elle a réussi des personnages à construire dialectiquement le rapport à la famille, le rapport à l'amour, le rapport à la patrie, le rapport au rire. À la mort, au temps. Et ça a de l'épaisseur dès la première lettre jusqu'à la fin, justement par cette distance. On ne juge pas le personnage et aussi par énormément de détails, de style en tout cas. Alors justement, voilà. Ce style de Marfouz, qu'est-ce qui en fait la substance selon vous, Leda Mansour ? Et en particulier, parce qu'il y a un changement avec la trilogie par rapport à ce qu'il écrivait avant, en particulier donc dans ces trois romans fondamentaux. Eh bien, il y a une question que j'ai posée pour retrouver ce style. Je me suis dit, dans un monde où règne la censure, la parole interdite, la peur de parler, où la seule règle, c'est la politesse devant le père. C'est vraiment, il ne faut rien dire. Si vous voulez dire quelque chose, c'est juste dire bonjour, merci père. Et entre Ahmad Abdelgawad et ses amantes, c'est les insinuations, oui. Le monde de l'allusion, le monde de non-dit finalement, oui. Du faux dire, et c'est pas du vrai dire. Je me suis dit, dans un monde qui est censuré, où la parole est censurée, comment cela fait-il que plus de la moitié de la trilogie est construite de dialogues et de paroles de personnages. Mmh. Quelle est donc la raison de ce paradoxe un peu énonciatif ? En tout cas, ça signifie que la question de la parole et du dialogue, c'est le nœud autour duquel tout se joue. C'est une entrée très principale pour moi, parce que quand même fréquente et majoritaire presque pour moi, il y a la narration, mais le style dialogal, que cela soit des discours intérieurs qui sont des pensées, que cela soit des discours directs, des dialogues des scènes vraiment de dialogue ou même des petits mots mis entre guillemets. C'est vraiment le style dialogal pour moi. Alors, à quoi ça sert de parler chez Marfouz ? Ça sert à beaucoup de choses. Ou en tout cas à une chose. D'abord, on avait dit qu'on a l'impression que les enfants sont soumis à leur père. Qu'il y a une forme de passivité d'obéissance. Eh bien non. C'est justement à travers la parole, le seul espace, peut-être la marge de liberté que ces enfants ont, où on retrouve une forme déjà d'existence de personnage et ensuite de résistance. Mmh. Il y a des signes de résistance. Ce n'est pas forcément des gens, comme j'ai dit, libres, mais il y a au cœur même de la peur de parler, on ne peut pas vous enlever ça, on ne peut pas vous enlever votre voix. Et ces voix de Mahfouz, elles ont une singularité. On pourra en parler. Allons-y. Oui. Par exemple, il y a deux choses dont j'aimerais parler. La première, c'est comment Mahfouz a réussi, ou le narrateur a réussi à faire exister ces personnages. Eh bien, c'est dans l'espace de discours intérieur, de monologue, toujours mis entre guillemets, c'est vraiment de la parole, mais clandestine. Mmh. C'est une parole clandestine, non déclarée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils ont le droit à des souvenirs, et leurs souvenirs se transforment en paroles. Ils se souvient et on ouvre les guillemets. C'est aussi des sentiments. Du fond de cœur, Aïcha criait. Elle criait quoi ? Eh bien, beaucoup de choses qu'on va apprendre. C'est aussi des objets d'impression, d'imagination, mais aussi de discours, si vous voulez, qui n'est jamais actualisé, qui n'est jamais dit, comme dans les formes que vous pouvez lire chez Marfouz, elle voulait dire, l'air de dire, semblant dire, elle allait pour dire, mais elle ne le dit pas. Il veut dire, etc. C'est vraiment des choses qui ne sont peut-être pas très fréquentes, mais il faut vraiment faire attention aux choses rares, peu ordinaires chez lui. Et c'est là où on a l'impression que le personnage existe, ou en tout cas il se fait construire. Mais alors on peut se dire finalement que Marfouz aurait pu utiliser le monologue intérieur, tout l'apport des modernistes depuis Joyce, le courant de conscience, mais il fait un autre choix et c'est peut-être ça qui finalement en fait un grand romancier arabe qui invente une littérature proprement arabe. Alors, proprement arabe, je ne sais pas que dire. Oui, on a beaucoup associé... Qui se défait de l'héritage du modernisme européen. Oui, qu'il a bien lu, bien sûr. On l'a beaucoup comparé aussi. Hein. Il était devenu tout le monde sauf lui-même. Mais comme vous dites, il a quand même une singularité. Il a su, en tout cas, écrire à partir de... D'ailleurs, dans les dialogues, vous pouvez le trouver dans deux choses, que ce soit dans la ritualité de la parole... parce que la parole est complètement rituelle, dans les sortes de bienvenues, de compliments et des prières, les énoncés conjuratoires. C'est vraiment très, très, très présent chez Mahfouz. Et aussi, ils ont leur fonction. C'est-à-dire, s'ils utilisent la ritualité, ça peut être, oui, parce que j'ai envie de vous dire bonjour, mais c'est aussi parce que j'ai envie de détourner cette ritualité. Et les personnages de Mahfouz, surtout Ahmed Abdelgawad, ils utilisent cette ritualité pour créer un lien intime, par exemple, pour autre chose. Ils s'en servent de cette ritualité. Il va rouler un tapis de henné à son amante, mais au fond de lui, il est en train de la juger aussi dans un autre monologue. Il y a parfois presque de l'hypocrisie dans cette ritualité. Et aussi, les prières, par exemple, ou toutes ces formes de « puisse Dieu vous réserver un sort », etc. « Puisse, si Dieu le veut, que Dieu vous préserve », etc. Mais aussi, on retrouve dans cette ritualité détournée aussi une almée qui, lors d'une animation d'un mariage, eh bien, elle va complètement détourner cette ritualité en disant bah, « puisse Dieu nous réserver les hommes, nos hommes, etc. » ou parler ouvertement de l'homme, de drague, de séduction dans une prière. Donc il y a la ritualité, il y a son détournement qui peut aussi donner un peu un autre style à ces dialogues. Je crois que... C'était le bon moment pour le réalisme en Égypte, que ce soit pour les lecteurs ou pour les écrivains. On a donc commencé à sentir qu'on n'a pas besoin de parler des sentiments du romantisme, mais plus de la réalité. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis orienté vers le réalisme au moment où je lisais les pires critiques contre le réalisme, surtout par Wolf et la Nouvelle École. Mais j'ai trouvé que James Joyce et le mouvement du conscient ne m'a pas servi énormément, sauf pour quelques situations. Entretien de Naguib Mahfouz avec Jacqueline Caux en 1999. Je reviens à mon idée du réalisme. Vous voyez, j'y tiens quand même. Vous notez quand même, vous aussi, hein, que la majorité des critiques, des journalistes, des chercheurs, qui soient d'ailleurs arabes comme français, ont fait de la trilogie un roman réaliste, qu'il renvoie d'ailleurs au réalisme français et russe du 19e siècle. C'est ça la source ? Tout de même ? Non. Non. Non, d'autant plus que les critiques français, comme Philippe Hamon, ils ont eux-mêmes posé une question qui dit qu'est-ce que c'est le réalisme au-delà de, en dehors en tout cas du roman de franco-russe. Et encore, ils n'étaient pas sûrs qu'il y ait vraiment de critères, parce qu'entre un Maupassant, un Zola, etc., ce n'est toujours pas le même projet. Et c'est là où je trouve que beaucoup de critiques, peut-être pas tous quand même, sont injustes avec Mahfouz. Et je ne suis pas la seule. Ah, c'est pas Jaber une critique, le réalisme, c'est pas forcément mal. Oui, mais n'avoir que cette grille de lecture, comme cette projection seulement, ça fait passer, on passe de côté de beaucoup d'autres singularités, justement, spécificités. Si moi je vais juste dire c'est réaliste, je vais comprendre peut-être les dialogues comme des conversations ordinaires et votre façon de lire la trilogie, en tout cas, va changer, vous en tant que chercheur ou même en tant que lecteur ordinaire. Non, moi je pense quand même que c'était un peu injuste d'insister que sur le réalisme, d'autant plus que lui-même, en parlant de son œuvre, il avait dit l'art n'est pas une question enfin de tout ça, de nouveau, d'ancien, mais celle de sa finalité, approfondir la vie et enrichir l'expérience humaine. Mahfouz lui-même, parfois, il essaye de s'échapper de ce qu'on dit de lui, parce que la plupart des questions tournent autour de courants, ouais, d'école. Ouais. Alors, et en fait, comme lui, s'il était applicateur. École, tout simplement. Comment, il n'est d'aucune école, il est de sa propre. Oui, il a des choses à dire, des finalités, vraiment, de singularités qui lui appartiennent. Alors, au début de cette émission, Leda Mansour, vous avez évoqué la question du temps, qui vous semble particulièrement importante dans toute l'œuvre de Mahfouz, mais peut-être en particulier dans la trilogie. Le temps, c'est quoi ? C'est la nostalgie d'abord ? Eh bien, la conception temporelle de la trilogie, ce n'est pas, surtout pas la nostalgie. Ah, décidément, j'ai vraiment rien compris. Oui, c'est une continuité. C'est le temps qui continue, d'ailleurs, même dans la construction. On n'a pas beaucoup de retours en arrière ou de prolepses. Enfin, on ne prévoit pas grand-chose non plus. C'est le vécu quotidien. Pour moi, je l'ai appelé l'effet du temps présent, du moment présent. Et comme je l'ai déjà noté avec Kamal, qui, au lieu d'écrire dans les souvenirs, il va regarder dehors. Mais aussi, il y a un temps très important dans la trilogie qui rejoint aussi ce présent. C'est le temps de rassemblement. Ce sont des réunions et rencontres familiales, des rencontres amicales, des visites organisées, des visites sans rendez-vous, de nouvelles rencontres, des meetings politiques et conférences académiques, de réunions politiques secrètes, des rencontres amoureuses et professionnelles. Et surtout, la séance du café, mentionnée le café 35 fois. Oui, ça, il adore les cafés. Avec des scènes de dialogue énormes où la famille discute et parfois des simples évocations. C'est vraiment le vécu quotidien. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de Spinoza qui est lui-même cité à travers le personnage Kamal qui dit que finalement, pour parler de passé, c'est plutôt les émotions liées au passé. C'est vraiment la tristesse liée au souvenir. Donc c'est un peu le temps qui se vit et pas celui qui se dit. Mm-hmm. Et si vous voulez, par contre, il y a autre chose. Le passé, ce que vous avez appelé la nostalgie, mais là je vais un peu élargir au-delà de la trilogie, il y a plutôt une amnésie parfois. Le malheur de l'amnésie dans le fils de la Médina qui frappe les quartiers, sans vue sur le passé ni sur le futur, c'est plutôt vraiment une forme d'amnésie ou bien un temps très rapide, temps d'urgence dans d'autres romans, mais aussi, comment vous dire, il y a surtout le présent, parce que lui, Mahfouz, quand on lui a posé la question sur le roman historique, il a répondu « J'ai réfléchi sur ce que je veux, j'ai compris que je suis un écrivain du présent de l'indicatif. Je n'aime pas écrire sur le passé, ni prévoir l'avenir. Et d'ailleurs, mon expérience avec le roman historique a échoué, parce que j'ai transporté le passé vers le présent. C'est donc le cadeau, le présent. » On peut peut-être terminer, Leda Mansour, cet entretien en soulignant l'humour tout de même, toujours présent chez Nagui Mahfouz. Je vois que ça vous fait tout de suite sourire. Eh bien, c'est une bouffée d'oxygène de lire Mahfouz pour moi, vraiment. Mais je voudrais juste parler de deux formes d'humour, en tout cas, ou deux formes qui font rire ou réfléchir. Il y a, comme dans la trilogie, mais c'est vraiment l'humour qui vous donne des fous rires. C'est vraiment des scènes géniales, comme par exemple entre le père Ahmad Abdelgawab et son fils Kamal, à qui il pose la question, qu'est-ce que tu veux faire ? Quelle université tu veux rejoindre ? L'autre lui dit, l'école normale pour devenir professeur. Et qu'en Europe, on dresse des statues aux professeurs. Et lui, il va lui dire, mais ça va pas la tête. Où est-ce que tu vois une statue dans nos quartiers ? Tu veux un poste ou tu veux une statue, mon fils ? Et bon, voilà, c'est vraiment une scène magnifique. Par contre, il y a un autre rire qui est plutôt, qui fait réfléchir, on va dire, mais sans pessimisme. Ça va pas aller jusqu'au nihilisme chez Mahfouz. C'est dans des riffs sur le Nil. Où la première scène, c'est un fonctionnaire qui écrit un rapport. Il va le présenter à son directeur. Et en fait, il l'appelle ce directeur. Il lui dit, mais il est où ce rapport ? Et il lui dit, il est devant vous. Il lui dit, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a que deux phrases et après, il n'y a que des pages blanches. Et là, il lui dit, en fait, il n'y avait pas d'encre dans le stylo. C'est hilarant, mais en même temps triste, en fait. Et ensuite, quand ce fonctionnaire, il va aller à la péniche pour expliquer à ses potes ce qui s'est passé, on entend un, en pouffant de rire et lui dit « Eh bien, c'est avec de tels stylos que sont signés les traités de paix. » Merci beaucoup, Leda Mansour. Je rappelle que vous êtes en post-doctorat à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans quelques instants, on va accueillir Rania Samara, qui est professeure émérite de littérature arabe à la Sorbonne et qui a traduit l'un des romans de Marfouz intitulé « Son Excellence ». Mais tout de suite, c'est le moment de notre traditionnelle chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et oui, car le jeudi, vous le savez, nous laissons à un grand lecteur ou à une grande lectrice le soin de nous parler librement de l'auteur dont il est question dans cette émission et puis aussi de nous présenter une actualité culturelle. Aujourd'hui, c'est Aliette Armel qui nous appelle depuis sa Bretagne. Bonjour Aliette. Bonjour Mathieu. Alors vous étiez justement au Caire il n'y a pas si longtemps, je crois. Et oui, tout à fait. Et avec les amis avec lesquels nous avions descendu le Nil, nous avions décidé de passer notre dernière soirée en Égypte au Naguib Mahfouz Café. Parce que l'un des restaurants les plus réputés du Caire, et pour les Caïrotes et pas seulement pour les touristes, s'appelle donc le Naguib Mahfouz Café, avec le portrait de Naguib Mahfouz, qui est toujours un intellectuel qui marque les mémoires. Ça dit, j'imagine, beaucoup de ce qu'on pense encore aujourd'hui et de sa place dans la société égyptienne. Le grand souk du Caire, et c'est un lieu extrêmement vivant. On s'y est trouvé avec des kérotes qui battaient des mains en reprenant encore des grands airs de musique égyptienne, Oum Kalsoum ou Abdelilim Efez, accompagnés au kanoun et rythmés par un tambourin. C'est un restaurant dans la tradition des cafés littéraires que fréquentait Mahfouz et de ceux qu'il décrivait dans ses romans dont on vient de parler, dont Leda Mansour vient de parler. C'est certains lieux fréquentés par des gens qui ont de l'argent, cette bourgeoisie du Caire décrite par Mahfouz, mais il est situé au cœur des quartiers populaires, là où il décrivait aussi certains de ces personnages, comme ceux de la Belle du Caire, que j'ai sépare la Belle du Caire, Al-Kaïra Al-Jadida, ce premier roman de Mahfouz, dont la traduction littérale donne Le Nouveau Caire, que j'ai commencé la lecture de Mahfouz. Alors, Le Nouveau Caire est devenu La Belle du Caire, et c'est un titre français qui met l'accent sur l'importance d'un personnage féminin du livre, Issane Cheata, et sur l'importance de la femme dans les modifications de la société égyptienne des années 30, qui décrit Mahfouz. La scène inaugurale est située à l'université Fouad du Caire, l'université moderne que Mahfouz a fréquentée, influencée par les idées occidentales. Et des étudiants masculins expriment l'intérêt et la curiosité que suscite chez eux le spectacle inédit d'étudiantes féminines, ambassadrices du savoir et du progrès. Et dans les années 30, Mahfouz était un adepte, un militant de ce progrès vers l'indépendance, vers plus d'égalité, mais surtout un dénonciateur sans illusion des dérives de la société égyptienne. Et dès ce premier roman, il décrit une double déchéance, celle de Maghoub, l'opportuniste, et celle d'Issane, la victime. Mais par une volonté acharnée d'échapper à la pauvreté, il s'enfonce dans la compromission, l'abandon de toute morale et le déshonneur. Nous rêvons d'une société qui annihilerait les mots que nous considérons comme des sortes de fatalité, lance fièrement un des personnages au début du livre. Mais la maladie du peuple, c'est la fatalité, rappelle très vite Mahfouz. Alors, Aliette Armel, j'espère que vous m'entendez correctement. On vous entend ici assez bien, quoique pas tout à fait parfaitement. Rapidement, votre actualité, c'est jusqu'au 20 mai à la Maison Rouge à Paris, une des dernières expositions que présente Antoine de Galbert, et c'est sur l'article Seija Stochka. Vous voulez nous parler de ça? Oui, c'est une artiste rome et son œuvre picturale a tellement frappé Antoine de Galbert, le propriétaire de la Maison Rouge, qu'il a bouleversé son programme pour la présenter. Alors, Seija Stochka, c'est une autodidacte d'origine rome. Elle menait avec ses parents en Styrie la vie traditionnelle et itinérante de leur communauté de tziganes jusqu'à ce que les nazis les parquent aux abords de Vienne avant de les déporter. Et c'était une enfant quand elle a connu successivement l'horreur de trois camps de concentration, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück et Bergen-Belsen. Alors elle a survécu, elle a ensuite fondé une famille, élevé trois enfants en vendant des tapis sur les marchés. Et à 55 ans, elle s'est décidée à témoigner du génocide tzigane dans des poèmes, des chansons et des peintures qui peuvent évoquer l'art naïf, l'art brut. Elle peint avec les doigts. Mais ce sont surtout des peintures très personnelles et magiques sur le plan des couleurs et du mouvement. Il ne faut surtout pas rater cette exposition. 40 ans après, cette femme a retrouvé le regard de l'enfant qu'elle était lorsqu'elle s'est trouvée plongée dans l'horreur. C'est un témoignage poignant et magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliette Armel. Nous irons à la Maison Rouge. Et puis, en attendant de vous retrouver ici en studio, nous vous remercions pour ce conseil. À très bientôt, Aliette. لا تعتبي لومك على من خان أديرتي مالك علينا. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier jour de notre mini-série en deux épisodes sur Naguib Mahfouz. Nous sommes rejoints par Rania Samara, professeure émérite de littérature arabe et de traduction à la Sorbonne. Et on repart dans cette émission avec une archive de l'écrivain égyptien Ala El Aswani. C'est mon opinion que Mahfouz est le père des romanciers arabes. Et du nouveau roman. Ah oui, non, je dis le père parce que la relation avec le père, c'est une relation très compliquée. Vous comprenez. Il faut le tuer à un certain moment. Oui, oui, à un certain moment, vous aimez votre père, moi j'aime mon père, et mais je dois faire quelque chose de différent, hein, pour ne pas être petit, pour ne pas plus être petit, pour être grand, vous comprenez. Alors, c'est ça notre relation avec Mahfouz. C'est un grand maître de littérature, et je pense que c'est un grand maître de littérature dans l'histoire du roman, pas seulement arabe, mais dans l'histoire du roman en général. Et je pense qu'il y a 4 ou 5 générations des romanciers arabes ayant Mahfouz comme père, avec toutes les choses positives et négatives d'avoir un père. Entretien donc d'Ala El Aswani avec Toufik Hakem. Bonjour Rania Samara. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de commencer, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce que Leda Mansour nous a expliqué en première partie? Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter sur tout cela? J'aurais voulu l'entendre parler, je pense qu'elle en parle souvent, mais pas aujourd'hui, de la traduction de l'oral, des dialogues, de la langue parlée chez Mahfouz et comment elle a été transmise en français ou dans les autres langues. Bon, vous pouvez en dire un mot d'habitude. On ne revient pas au premier plateau, mais Leda Mansour, un mot sur la traduction. Bien, c'était la première partie de ma thèse, parce que après tout, j'ai travaillé sur le texte traduit en français et j'ai donc abordé la traduction et justement des dialogues de l'oral. Et j'ai trouvé qu'avec les trucages orthographiques ajoutés de façon non systématique par le traducteur ou la façon de faire les notes de bas de page ou même la façon parfois d'oraliser, de garder certains mots dialectaux mais qui ne sont pas forcément dans la version originale, c'est cette espèce de, on va dire, tendance déformante mais pas dans un sens forcément très négatif, pas très systématique, pas très finalement pensé. Je trouve qu'il y a un présupposé chez le traducteur, présupposé justement réaliste. Il voulait faire comme un mot passant, mais Mahfouz n'est pas un mot passant. Mahfouz, elle a choisi de d'écrire et elle a dit que moi, le dialogue, c'est d'écriture. Et j'ai choisi la langue al-fusha, la langue qu'on appelle classique, et ne pas la langue al-amiya, la langue dialectale, parce que c'est un parti pris pour que tout le monde le comprenne d'abord. Mais avant tout, c'est une langue de l'écriture. Ça répond à votre question, Rania Samara? Oui, oui. Parce que moi, je m'intéresse énormément à la traduction. Évidemment, parce que vous avez traduit un livre, notamment de Naguib Mahfouz, mais vous avez traduit aussi des tas d'autres livres. Oui, 25, et ce qui m'intéresse toujours, c'est comment transposer l'oral, l'oralité dans un texte écrit. Comment ne pas tomber dans la caricature? Comment ne pas emprunter aux Marseillais ou à la langue en Normandie pour les mettre dans la bouche d'un caillerotte, par exemple? Alors, comment on fait, justement? C'est très difficile. C'est un des points d'achoppement de la traduction. Parce que j'ai un collègue, Frédéric Lagrange, qui discerne même dans la traduction d'un roman irakien entre un parler des chrétiens de Bagdad et les musulmans. Donc, cette distinction-là, elle est impossible à transmettre, sauf si on l'introduit entre parenthèses ou d'une manière ou d'une autre, on dit que c'est, on sait à l'usage que c'est un chrétien qui parle ou c'est un sunnite ou autre chose. Et là, ce sont les points très difficiles dans la traduction. Alors, on va parler de Son Excellence que vous avez donc traduit en français, mais avant cela, peut-être de manière un petit peu plus générale, El Aswani disait Marfouz, c'est le père de la littérature égyptienne, et finalement, et ce père, il faut arriver à le tuer. c'est vrai, oui. Ça Oui, je ne sais pas s'il faut arriver à le tuer. Si on arrive à le tuer, il n'est pas uniquement le père de la littérature égyptienne, mais de la littérature arabe dans son ensemble. Il ne faut pas oublier que... Il est lu partout dans le monde arabe, partout. Et très très lu. C'est très lu et très populaire. On dit que les Arabes ne lisent pas beaucoup, et c'est vrai, les éditions des romans arabes se vendent bien, mais en petit nombre. Mais Mahfouz est lu dans toutes les couches de la société. Et on apprend à l'école, enfin on lit oui, à l'école on du le lit Nagui à l'école, Mahfouz. Oui. Et d'ailleurs, même ceux qui ne lisent pas le connaissent par les films, parce qu'il a écrit énormément de scénarios de films à l'époque de l'âge d'or du cinéma égyptien. Et donc, il est connu par les romans et par le cinéma. Et d'ailleurs, aussi. Le cinéma, souvent, est une entrée dans son œuvre qui permet au grand public de connaître Nagui Mahfouz. Il a adapté d'ailleurs ses propres romans lui-même. Il a écrit les scénarios. Alors, il a aussi écrit pour d'autres cinéastes des scénarios, mais également ses propres romans ont été adaptés par lui-même. Oui, et le contraire aussi. Il y a certains de ses romans qui ont d'abord été portés à l'écran avant de sortir sur papier. Alors pourquoi faudrait-il tout de même, quand on est un écrivain arabe ou égyptien aujourd'hui, pourquoi faudrait-il se positionner par rapport à lui? Je ne sais pas pourquoi ils le font, parce qu'ils veulent se mesurer, comme par exemple les jeunes poètes arabes actuellement veulent se mesurer tous à Mahmoud Darwish, et ils échouent. Moi, je ne pense pas qu'il faut se mesurer à quelqu'un pour le dépasser ou surmonter. C'est bien d'avoir une telle référence, une grandiose référence dans le monde de la littérature. Le roman arabe est nouveau. C'est un genre assez nouveau dans l'écriture arabe. Et roman, Mahfouz, au milieu des années 1950, était vraiment au top. Et le roman arabe n'avait même pas 50 ans. Trouver quelqu'un qui a écrit cette masse de romans, qui a introduit un tel nombre de personnages dans la littérature arabe, et ce sont tous des petits personnages, c'est pas des grands héros de la mythologie ou autre, c'est des petits personnages, des anti-héros. Donc il a touché à tous les personnages de la littérature. Et alors, tout à l'heure, je demandais à Leda Mansour si d'une certaine manière il n'avait pas inventé un roman qui serait un roman particulièrement arabe, qui serait différent de toutes les autres traditions littéraires. Est-ce que d'abord vous répondriez que oui, il a inventé cela, et si oui, qu'est-ce qui ferait finalement cette littérature spécifiquement arabe? Ben, c'est les conditions de vie, les sociétés arabes qui font le roman. Donc, davantage ce qui est dit que le style, que la manière dont c'est écrit. Oui, et je trouve que le roman arabe est actuellement en pleine floraison, surtout après les printemps arabes et après les événements importants de l'histoire arabe, qui forgent des nouveaux écrivains et qui forgent une nouvelle écriture. Mais Mahfouz est vraiment à sa place en étant le père ou la référence suprême du roman arabe. Et comme le dit Ala Souani, c'est le père auquel on résiste et auquel on celui qu'on voudrait tuer aussi. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors parlons un peu, Rania Samara, de ce roman que vous avez donc traduit de Naguib Mahfouz en 2006. Il est disponible aux éditions Actes Sud et il s'appelle Son Excellence. C'est un roman qui date de 1974. Oui. Pourquoi avoir choisi de traduire ce roman-là? C'était une proposition de la maison d'édition. C'était un petit roman, assez court. Et je venais de sortir de la traduction d'un grand roman, donc c'était petit. C'est une récréation. Oui, c'était une récréation. Mais en fin de compte, j'ai plongé complètement là-dedans. Et être une lectrice de Naguib Mahfouz, c'est pas la même chose qu'être sa traductrice, ne serait-ce que pour un roman. Parce que quand on lit un roman, on est dans une prédisposition qui n'est pas du tout la même que celle du traducteur. Le traducteur, c'est celui qui décortique le texte entièrement pour le reconstruire dans une autre langue. Et donc évidemment, le comprendre bien plus profondément. Bien sûr, c'est un lecteur privilégié. Le traducteur est un lecteur privilégié et particulier. Je commencerai par le titre. Par exemple, en arabe, c'est Hadrat al-Muhtaram. Et c'est un titre qui est à cheval sur le séculaire et le religieux, parce que c'est un titre honorifique religieux. Et comment le traduire en français sans verser dans le christianisme? Par exemple, le révérend, son éminence. Donc, parce qu'il n'est pas question tellement de religion, il est question de l'administration. Hein. C'est un roman qui se passe dans le milieu des fonctionnaires. Oui. Mais Naguib Mahfouz l'écrit, ne serait-ce que si vous lisez la première page du livre, c'est vraiment à cheval entre cette entrée dans l'administration et cette entrée dans une sphère, dans le nirvana de l'administration. Et le directeur général qu'il rencontre au moment de l'embauche, c'est comme s'il était un dieu. Alors il faut du coup raconter un petit peu l'histoire de ce livre. C'est le parcours, la carrière d'un personnage qui souhaite franchir tous les échelons de l'administration pour arriver jusqu'au premier échelon. Donc c'est, j'imagine, le directeur de toute l'administration. Et c'est un petit peu comme si, tel un soufi, station après station, il allait accéder finalement à la lumière divine. C'est le parcours qui est raconté. C'est le parcours. Et on suit, au fil des chapitres, on suit exactement la montée en grade, les échelons de ce fonctionnaire, de Rothman al-Bayoumi. Mais paradoxalement, il fait tout dans sa carrière. C'est un petit fonctionnaire presque arriviste qui veut gravir les échelons au risque de perdre son âme, en fin de compte. Et on voit cette escalade, cette montée obséquieuse quelquefois pour parvenir, mais il perd son âme parce que à mesure qu'il monte dans les échelons, son âme chute. Et c'est ça, c'est une montée inversée. Et il sacrifie donc un certain nombre de choses, et notamment son premier amour, Saïda, puis ses autres amours, Saniya et Asilia. Oui, il sacrifie ses amours parce que il ne savait pas jusqu'à quel point sa future épouse serait au niveau présentable dans la société qu'il espère vivre. Donc il les sacrifie en pensant, est-ce que ce serait la bonne pour moi, pour être la compagne du directeur général? Et en fin de compte, comment il finit par épousé une prostituée, droguée et alcoolique. Donc vraiment, il fait tout, il se démène pour donner une image de lui-même, mais cette image est toujours tournée contre lui, se tourne contre lui. Donc il y a toujours quand même la question de l'amour hein, chez Naguib Mahfouz. Il disait, je crois que finalement les grandes œuvres étaient écrites toujours sous le coup d'une histoire d'amour. Oui, lui, Mahfouz a eu une vie très réglée, avec épouse et deux filles et tout. On ne lui connaît pas de frasques amoureuses. Mais dans ses œuvres, c'est la vie des caillerottes qu'il met en scène. Et il y a toujours des histoires d'amour très... D'ailleurs, dans le livre, il y a des choses qui me sont restées, même à moi, avec des points d'interrogation. Sur sa relation avec une jeune fille qu'on lui suggère d'épouser en deuxième épouse. On ne sait pas si on l'a mariée avec lui parce qu'elle était enceinte d'un autre et c'était pour sauver son honneur, ou comment ça se passe. Il y a des points d'interrogation qu'il n'élucide pas explicitement et qu'il laisse au lecteur de découvrir. Alors, c'est un roman où sont exposés un grand nombre de déviances, de perversions, y compris la perversion qui consiste à tout donner à sa carrière. Est-ce qu'il y a du Dostoïevski chez Naguib Mahfouz ? Il y a Dostoïevski, il y a Émile Zola, il y a Balzac, il y a tous les grands romanciers. C'est pour ça qu'il est à mettre sur un pied d'égalité avec tous ces grands écrivains. Oui. Et finalement, la question la plus importante, c'est peut-être ce qu'on peut comprendre en lisant une phrase de la toute fin de ce roman. Je vous la livre. Ce qui lui faisait le plus de peine, donc à ce personnage dont on parle depuis tout à l'heure, c'était que les choses continuaient leur cours, indifférentes à son sort, la nomination, la promotion, la retraite, l'amour, le mariage, le divorce, les conflits politiques et leurs slogans passionnés, la succession du jour et la nuit. C'est ça la lucidité de Naguib Mahfouz, Rania Samara. Oui, la lucidité de voir que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il s'est démené à faire est tombé à l'eau. Parce qu'il meurt deux jours après avoir été nommé au poste de ses rêves. On ne sait pas s'il a eu le temps de pénétrer un jour ou deux jours dans ce nirvana, dans le bureau du directeur général auquel il aspirait depuis ses premiers pas dans l'administration. Il avait prévu aussi, le personnage, de se faire construire un mausolée, un tombeau qui soit digne du directeur général. Mais il est mort. Mm-hmm. Et voilà. Donc la lucidité de Naguib Mahfouz, c'est de... Je pense que tout cela ne mène à rien. Et que l'homme qui est né, d'ailleurs il le dit lui-même dans le roman, l'homme est fait de boue et il aspire à vivre parmi les étoiles. Et tout ça, c'est vraiment un constat d'échec, un constat de vanité. Et c'est d'autant plus poignant d'une certaine manière que Mahfouz lui-même a été fonctionnaire. Oui, ça c'est le point de... Le parallélisme avec le personnage. Mahfouz a été un fonctionnaire très consciencieux. Il a travaillé au ministère du bien religieux, à la Bibliothèque nationale. Il a travaillé dans plusieurs ministères. Donc, et c'est quelqu'un qui a été assidu à son poste pendant 37 ans. Et il dit lui-même qu'il écrivait de 5h du matin jusqu'à 7h du matin. Donc, il écrivait avant d'aller travailler, comme si l'écriture n'était pas son travail le plus rentable. Et il a écrit ce livre, je me demande, parce que j'ai pas eu le bonheur de connaître Mahfouz. Il est mort juste au moment où je traduisais ce livre. Est-ce qu'il réglait ses comptes avec l'administration? Parce que il a pris sa retraite en 71 et le livre a apparu en 74, 1974. Donc on sait pas exactement quelle est cette mise à niveau de sa relation avec l'administration. C'est quelqu'un qui a été très régulier à son travail et je pense que c'est un règlement de compte. Alors vous êtes franco-syrienne, Rania Samara, une question qui n'a sans doute pas de réponse univoque, mais quel serait selon vous le regard de Naguib Mahfouz sur ce qui se passe en ce moment dans votre pays ? Ben, je pense qu'il aurait écrit des romans qui présenteraient tous ces civils qui sont en train de mourir ou ces civils qui sont en train de moisir dans les prisons. D'ailleurs, il a écrit des romans sur les prisonniers ou les anciens prisonniers, comme l'a fait Sonalla Ibrahim, par exemple, en Égypte. Je pense que ça, c'est un sujet digne de Mahfouz et de la tragédie humaine qui tombe sur les Syriens. Merci beaucoup Rania Samara, je rappelle donc que vous êtes traductrice et puis également professeure émérite à la Sorbonne. Son Excellence de Mahfouz est disponible chez Actes Sud. On peut également citer votre traduction la plus récente, c'est celle de l'ouvrage « Les enfants du ghetto » d'Elias Rouhri. Il est paru en février dernier, toujours chez Simba d'Actes Sud. Et c'est la fin de notre semaine consacrée d'abord au Mille et une Nuits et ensuite à Naguib Mahfouz. Nous revenons dès lundi 15h pour parler de Francis Scott Fitzgerald. Mais tout de suite, c'est la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Deux poèmes magnifiques aujourd'hui de William Cliff. Il est le seul à produire ce genre de choses. Souvenir de Baudelaire dégagé de tout embarras, sans fausse honte. Le chant des morts. En ces pays de solitude où le brouillard s'étend sans fin, nous ne voyons dans l'étendue qu'un monotone et long destin. Rien ici ne trouble l'attente de ce qui va nous arriver. Jour après jour sur cette pente, nous glissons à l'éternité. Le bruit qui rythme notre marche vient des chaînes que nous traînons et qui nous suivront à la trace jusqu'à notre ultime prison. Soleil et vent, calme ou tempête, les saisons ne nous touchent plus. Jour de soleil ou jour de fête, tout est pareil aux détenus. Dans nos casernes basses, sales, nous écoutons le vent d'hiver meugler en poussant de longs râles sur nos toits recouverts de fer. La nuit, quand la porte est fermée, qu'on est muré comme au tombeau, nous revivons dans la fumée montant hors de nos vieux cerveaux. Alors nos rêves partent à travers les toits impuissants, car la plus forte des baraques ne peut rien contre l'espérance, et celui qui dit sa prière courbé sur son bas-flanc de bois revient à l'innocence fière de l'enfant qu'il fut autrefois. Merci au vent et à la pluie, merci à la neige et au froid qui nous font sentir que la vie vient à bout de tous les climats et que si nous plions les chines sous le poids de l'accusation, celui qui connaît notre crime nous a déjà fait son pardon. Et celui-ci, je dis, oh, on devrait l'apprendre dans les écoles, plainte de son éloignement. Des mouches bombinées sur la crotte d'un chien, mouches de torse jaune entourées d'anneaux noirs, c'est que cet excrément contenait la mémoire de tout ce que le chien avait mangé de bien. La montagne était grosse où elle butinait, il leur faudrait beaucoup manger pour l'engloutir, mais la terre elle aussi est grosse où l'homme naît, ce qui ne l'a pas empêché de la salir. Les mouches, comme l'homme, aiment la compagnie. Elles aiment ensemble attaquer la pâtée. Puis arrive un moment où, par une avanie féroce, on a envie d'aller de l'autre côté pour respirer ce qui n'existe nulle part ailleurs que dans ton corps dont je plains le départ. Ailleurs que dans ton corps, amour qui me tourmente. Oh, reviens, je t'en prie, et me mène à l'écart des mouches pour avoir ce que mon cœur demande. Ce poème est publié au Dilettante dans Au Nord de Mogador. En même temps sort à la table ronde Matière fermée. Pourquoi ce titre étrange, Matière fermée? Parce qu'étant vraies, elles ne sont pas ouvertes et conservent ainsi leurs puissances innées qui ne sont pas à portée des têtes trop prêtes à expliquer toujours ce qu'on ne peut comprendre. Ô matière fermée de la vie récurrente, vous voilà donc donnés à lire dans ces pages où l'on verra sans doute quelques miens voyages et les trépignements de mon corps sur la terre. Ô matière fermée qui lancez sur votre air, n'arrêtez pas de nous interpeller, je pense que vous avez encore beaucoup de route à faire et de quoi ramasser dans ce verre, je l'espère, les matières fermées de l'immense existence. Merci Jacques Bonafé pour cette semaine de lecture consacrée au poète William Cliff.